En Corée a eu lieu le 7 courant la danse paysanne des travailleurs agricoles pour célébrer la 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. Y ont assisté Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, les officiers intéressés, les participants à la 8e conférence susmentionnée, ainsi que les agriculteurs de Pyongyang.